Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 22 février 2017 de Mélomanes, notre rendez-vous hebdomadaire d'accro de la musique. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous n'êtes pas trop tanné de l'hiver. Des fois, le mois de février peut sembler le mois le plus long de l'année, même si, en fait, c'est le plus court. Et en plus, on y va de programmes assez chargés depuis quelques temps. L'émission, ce soir, encore une sélection assez polarisante, à l'instar de notre émission de la semaine passée, où on a exploré le monde du rock progressif à coups de longues pièces compliquées. Eh bien, imaginez-vous que ce soir, au lieu de vous ménager au moins une semaine sur deux, comme à l'habitude, ben je vous en sers une autre dose et il y en a qui vont aimer plus que d'autres. Mais comme la semaine dernière, ceux qui vont aimer vont adorer. Et même qu'on commence ça tout de suite, parce que ce soir, c'est pas un mélomane prog, mais bien un mélomane jazz. 99.1 CFNJ. We'll be right back.

Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Et toujours en plein Mélomane Jazz ce soir sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ en ce 22 février, anniversaire de ma douce épouse d'ailleurs, qu'on salue. Et oui, deuxième fois qu'on explore le genre, le jazz à l'émission. Vous le savez, chaque émission de Mélomane est radicalement différente. Et ce soir, eh bien, c'est le jazz. Donc on va prendre une voix jazz ce soir pour accompagner le tout. Tout au long de la soirée, constitué évidemment, vous vous en doutez, de classiques à l'appel. D'ailleurs, un premier bloc profondément noir. Et là, vous allez me dire, ouais, mais le jazz a toujours été noir à la base, ce qui est tout à fait vrai. Mais je vous dirais qu'il y a eu une sorte de réappropriation de toute la culture noire dans toutes sortes de musiques par les Afro-Américains eux-mêmes vers la fin des années 50, début 60. Ça va être la période de la lutte à la ségrégation, les droits civiques et tout aux États-Unis, évidemment. Et donc, on va juger bon pour se faire de réinjecter tout ce qui s'appelle blues, gospel et soul dans le jazz, qui s'était déjà un peu aseptisé peut-être à ce moment-là, ou du moins c'était devenu un peu cérébral avec le bebop, et c'est de cette idée-là, grosso modo, que va naître le mouvement hard bop, dont on a eu un ne peut plus parfait exemple en début de bloc, pièce-titre d'un album légendaire du genre qui s'appelle Moanin, sorti en 58, à se procurer immédiatement, on se pose même pas la question, un gigantesque album du grand batteur Art Blakey avec ses Jazz Messengers, un album où on pouvait aussi retrouver entre autres Benny Golson, un maître du sax ténor, chose qui était suivie d'un iconoclaste pur et dur, un gars complètement unique, contrebassiste, compositeur, arrangeur hors pair, et mégalomane, M. Charles Mingus en personne, avec justement une de ses compositions les plus politisées, disons, Fables of Phobos de 1959, une pièce qui était directement dirigée à l'endroit de Orville E. Phobos, gouverneur de l'Arkansas de l'époque, qui avait envoyé la garde nationale pour empêcher 9 jeunes Afro-Américains d'intégrer une école secondaire à Little Rock, imaginez-vous. Donc, voyez-vous, on revient au contexte historique de tantôt. On est à une époque où les Noirs se soulèvent et prennent la parole, et ça se sent beaucoup dans la musique. Et tout ça qui vient de se terminer sur une note un peu plus légère, mais profondément ancrée dans la culture afro-américaine quand même, avec le trio du Montréalais Oscar Peterson, plus un, comme le titre de l'album de 64 le stipulait, avec le trompettiste et surtout maître du Flugelhorn, un genre de trompette au son un peu plus doux, mais ici, c'est en scattant avec sa voix, tout simplement, qu'on l'a entendu avec Mumbles, qui contient, en fin de compte, aucune parole. Mais là, on change de registre un peu. Première expérimentation modale pour Miles, 99.1 CFNJ.

Sud de la Naudière pour les prochaines heures plus intermittentes qui débutent cette nuit. Température stable près de 2 degrés. Jeudi, des averses et un peu de brouillard le matin. Température près de 4. Et vendredi, de la pluie intermittente ou de la neige, maximum de 3. Les secteurs du Nord. Saint-Michel et les environs, pluie intermittente cette nuit. Nappe de brouillard par endroit. Température près de 4. Jeudi, averses et un peu de brouillard le matin. Ça va se dissiper, bien sûr. Température près de 5. Et neige intermittente vendredi, maximum de 1 degré. CFNG 89.1 Et oui, Méloman Jazz ce soir, toutes sortes de jazz à part ça, parce qu'on vient d'entendre des trucs un peu plus récents si on compare à notre premier bloc de la soirée, du moins si on considère 1976 comme étant plus récent. Chose certaine, c'est qu'on a exploré d'autres sonorités à comparer à la musique très noire du premier bloc. On vient d'entendre la pièce-titre du premier album officiel de Pat Metheny, grand guitariste, Bright Size Life. Pat Metheny, qui à l'époque a seulement 21 ans, imaginez-vous, qui s'entoure de musiciens de légende comme Bob Moses à la batterie, mais surtout le magnifique Jaco Pastorius à la basse, de qui on a parlé à quelques occasions à l'émission, et qui, lui, a seulement 24 ans au moment de l'enregistrement. Un son feutré qui va être propre à l'étiquette de disque ECM, qui vont se targuer d'avoir le plus beau son après le silence. Et on a pu en entendre un autre bel exemple avec la toute petite pièce Children's Song, même label ECM par Return to Forever, groupe de Chick Corea en 73 avec Stanley Clark et ainsi de suite, pas très longtemps après ses expérimentations avec Miles Davis, évidemment sur In a Silent Way et Bitches Brew, deux des albums qui vont faire pour la première fois ou presque le pont entre le rock et le jazz. Révolutionnaire comme album. Et juste avant ça, ben c'est entre le classique et le jazz qu'on a fait un pont avec le fameux vol du bourdon de Nikolaï Rimsky-Korsakov, une pièce qui nous vient d'un opéra qui a été joué pour la première fois en 1900. Mais ici, on l'a entendu en version jazz par Randy Waldman en 1998. Randy Waldman, à ne pas confondre avec Randy Newman, qui est un pianiste qui a joué avec à peu près tous les artistes imaginables et qui a, qui a joué sur la trame sonore d'un paquet de films hyper connus. Là, on pense à Forrest Gump, Retour vers le futur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, sérieusement, je vous fais pas la liste parce qu'on va être encore là demain matin. Mais tout ça pour dire qu'en 1998, il décide de se faire plaisir et de faire son premier album à son nom, Wigged Out, un album malheureusement très dur à trouver, où il va jazzer certains des airs classiques les plus connus avec une flopée des plus grands noms du jazz. Pat Metheny, dont on a parlé tantôt, va apparaître sur l'album. Mais ici, c'est avec le grand trompettiste Wynton Marsalis et les incomparables Vinnie Colaiuta à la batterie, qui avait commencé sa carrière avec Frank Zappa, et John Patitucci à la contrebasse. Bref, du gros calibre, même si c'est pas tout à fait les premiers à avoir l'idée de mixer le jazz au classique quand même. On a juste à penser au trio de Jacques Loussier dans les années 60. Et sinon, on a aussi entendu l'excellente Bernice Tune dans sa version originalement popularisée par le Jerry Mulligan Quartet avec Chet Baker en 52, juste après Milestones. Plutôt avec Miles Davis, John Coltrane et Cannonball Adderley, entre autres. Mais nous, on a un gros programme plutôt à venir. Donc, on écoute à l'instant l'inventeur du bebop, Now's the Time, 99.1 CFNJ. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Merci, merci. Et toujours en plein Méloman Jazz avec le Bill Evans Trio 99.1 et 88.9 CFNJ. Comme vous avez pu entendre, il est à peu près 4-5 dans la salle. Ce show légendaire, c'est comme ça le jazz. Waltz for Debbie avec Scott LaFaro à la contrebasse qui va malheureusement décéder dans un accident de la route un peu plus tard cette année-là, en 1961. Grosse perte parce que Bill Evans trouvera pratiquement plus jamais un contrebassiste avec qui il va avoir une complicité aussi grande, quasi télépathique en fait. On a aussi entendu, sinon juste avant, Sarah Vaughan nous scatter Autumn Leaves comme s'il n'y avait pas de lendemain sans même nous faire le thème ou presque. Ça nous vient d'un album de 1982 où on pouvait aussi retrouver la légende Joe Pass à la guitare, un album qui, si je ne m'abuse, avait gagné quelques Grammys. Et parlant de légende de la guitare, ben on en a entendu plutôt une autre à ses tout débuts, nul autre que le grand George Benson, avec la pièce d'ouverture de son deuxième album seulement, Clockwise, de 1966. Un excellent album qui s'appelle It's Uptown. Et ça vaut la peine d'aller écouter George Benson à ses débuts, parce qu'après après ça, il va prendre toutes sortes de directions, toujours intéressantes, parce que c'est un gars hyper musical, qui respire la musique, qui a une très belle voix en plus. Mais quand même, juste pour voir pourquoi on l'appelait le nouveau boss de la guitare, the new bass guitar of George Benson. Et sinon, ben décidément, on était dans du gros stock parce que juste avant ça, on a entendu la pièce la plus rapide de la soirée, soit Cherokee. Une pièce qui a de tout temps fait peur aux musiciens de jazz à cause de sa vitesse, oui, mais aussi de ses changements complexes d'harmonie qui rendent l'improvisation assez vertigineuse. Mais c'est un défi que va relever de main de maître Clifford Brown, une étoile filante de la trompette jazz qu'on oublie parfois parce qu'il est mort très jeune à l'âge de 25 ans. Mais on ne devrait pas parce que c'était pratiquement un prodige. Le pire, c'est que contrairement à plusieurs de ses pairs, c'est un gars qui se tenait loin de la drogue et de l'alcool. Il va aussi malheureusement mourir dans un accident de la route. On n'oublie pas qu'évidemment dans le temps, on voyageait beaucoup sur la route pour les tournées. Et on a amorcé tout ça avec un gars qui, lui, se tenait pas loin de la drogue du tout. Mort à 34 ans avec le corps d'un homme de 60. Mais qui est certainement le plus révolutionnaire qu'on va entendre, ou plutôt qu'on a entendu ce soir, l'inventeur du bebop en personne, Charlie the Bird Parker, avec le blues classique Now's the Time de 1945. Mais on a encore un bloc assez charnu à venir, donc on y retourne toujours en plein Méloman Jazz, 99 ans, CFNJ.

99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Et c'est déjà là-dessus que se termine notre spécial Jazz Méloman de ce soir sur les ondes de CFNG avec le septet de Thelonious Monk, où on a encore pu entendre l'unique John Coltrane avec la composition de Monk, Well You Needn't, dans une version exaltée de 1957, une très bonne année pour le jazz. On a aussi entendu la guitare incroyable de Wes Montgomery en 1960 avec 4-on-6, un gars qui a appris à jouer de la guitare à l'âge de 19 ans à l'oreille et qui va littéralement influencer tout ce qui allait suivre. En fait, certainement tous les guitaristes qu'on a entendus ce soir. Et on ne pouvait pas passer à côté d'Ella non plus. Ella Fitzgerald avec son classique Airmail Special, version de 1952, qui suivait un super groupe de jazz fusion qui a existé le temps de deux albums seulement, soit les Vital Tectones, qui étaient constitués de Scott Anderson, une sorte de Neo Hendrix de la guitare jazz, avec Steve Smith à la batterie, qui, croyez-le ou non, a aussi été le batteur du groupe Journey, donc le groupe qu'on connaît effectivement des années 70-80, et la basse électrique complètement unique de Victor Wooten. Bref, assez impressionnant comme trio. On les a entendus avec Everglades en 1998 et le tout abordé par le Dave Brubeck Quartet et leur mesure à 7 temps asymétrique dans le set pas carré du tout de Unsquared Dance en 1961. Donc c'est déjà là-dessus qu'on se quitte ce soir. J'espère qu'on ne vous a pas trop rebuté avec notre jazz et que vous avez peut-être appris des choses à travers tout ça. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi dès 20h, pour une autre édition de Méloman. Et moi, ben, je vous laisse avec Coltrane, qu'on entend pour la troisième fois ce soir, mais cette fois-ci avec qui d'autre que Duke Ellington, 99 ans, CFNG.